Ça s'appelle Le Bonheur des uns et c'est mercredi prochain au cinéma avec Bérénice Bégeau, François Damiens et nos invités Florence Foresti et Vincent Cassel. Voici une tramédie à lui tout seul, c'est sa live. C'est Guillaume Ollier. Ouais ouais ouais ouais ouais salut. Ça va les amis? Ouais. Ça va. Je vais vous parler de science. Ce matin. T'es sûr? Ah, oui, super. Parce qu'en fait, moi, je garde toujours ça pour moi quand je suis ici, mais en fait, moi, je suis intelligent. Oui. C'est con de pas en profiter. Je ne monte jamais dans cette émission parce que je veux pas gâcher la médiocrité ambiante. Mais ouais, 9 fois sur 10, je me dis, je vais parler de mon sgeg, ça va les divertir. C'est la technique Nagui. Hein. C'est quoi Nagui aussi? Moi, je sais qu'il vaut mieux que ça. Vraiment. T'entends ces questions, mais tu jamais. Dis. Ici, t'entends ces questions, tu dis, allez, ce serait bien qu'il y ait quand même un sens à un moment, tu vois, un jour. Mais c'est sûr qu'en cachette, je suis sûr qu'parfois, ils demandent des trucs vraiment intéressants à d'autres gens et tout, je suis sûr. Florence et Vincent, pas le prendre personnellement, c'est pas contre vous. C'est juste qu'ici, le contexte, ça te tire vers le bas. Quoi. Bref, pourquoi je dis tout ça? Parce que ce week-end, j'ai lu un bouquin qui s'appelle « Comment aller directement à l'essentiel dans une chronique radio ». Eh bien, ça m'est tombé des mains. Très déçu, j'ai rien appris. Du coup, je vais enfin parler de science. Et alors, dans l'Obs de la semaine, il y avait un article captivant sur la réintroduction des mammouths. Et je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire « Ouais, t'es sérieux? Il y a 9000 cas de Covid en France par jour. Toi, tu veux nous parler des mammouths? Annie Cordy, elle est dead. Toi, tu veux nous parler des mammouths? Mais t'as pas honte, il n'y a pas de sujet plus important. Et Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Ordure. » Vous allez me dire que c'est pas intéressant. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Mammouth, moralement, c'est très intéressant de savoir si on peut réintroduire des espèces. Je suis avec toi. Si on peut ressusciter des espèces. En plus, pour le coup, les mammouths, ça parle vraiment à nos auditeurs. Quoi. Il doit y avoir un bon 10-12% qu'on connaît les tout derniers. Et je parle même pas de Daniel. Je parle même pas de Daniel qui a démarré sur Inter genre 7 jours après la découverte du feu. En plus, s'il y a bien quelqu'un dans cette équipe qui peut s'intéresser aux mammifères à poils longs, c'est bien Daniel. Quoi. C'est vrai. Clairement. Et Florence, ça la passionne, la réintroduction des mammouths, pas vrai? Bien sûr. Moi, je sais qu'au fond d'elle, elle en a un peu marre de son bulldog anglais. Hein, Albert, je le connais. Il pète H24. Florence, elle a honte dans les boulangeries. C'est vrai, c'est sûr que souvent elle se dit, eh ben vite qu'on réintroduise les mammouths. Comme ça, j'en adopte un, Albert, il gicle la SPA. C'est sûr, pareil pour Vincent. Vincent, je le connais, le cinéma, c'est en attendant. Hein. Dès qu'on a réintroduit les mammouths, il se barre en Sibérie. C'est sûr, ça intéresse tout le monde, je vous dis franchement. C'est vrai, d'autant que cette histoire de mammouth, ça ouvre à la question des cisogénétiques. Alors vous allez me dire, ouais, Ernesto, fils d'un prolétaire communiste et de Charlotte de Turckheim, qu'entends-tu? Qu'entends-tu exactement par cisogénétique? Eh bien, absolument, Jamie, vous avez raison de demander. Eh bien, en gros, c'est. J'entendais pas moins de vous, Jamy. Cette curiosité vous honore. Eh bien, en gros, c'est des copier-coller de gènes qui permettent de faire des manipulations très précises, notamment sur des embryons. Genre en Chine, par exemple, c'est avec les cisogénétiques. Génétiques. En Chine, c'est avec les cisogénétiques qu'on aurait fait un bébé qui est né immunisé contre le virus du. Sida. By the way, moi je la veux bien cette mutation-là. Franchement, je te dis. C'est quoi chlamydia aussi avec Ups dans l'élan? Franchement, c'est vrai, moi je me dis si tu peux minimiser contre le DAS, tu peux faire en sorte que ça gratte pas dans ma culotte. Hein. Qui peut le plus, peut le moins. Bravo. Moi je te le dis, c'est grâce aux ciseaux génétiques qu'on pourrait revoir des mammouths un jour, parce qu'en fait, un mammouth à 98%, c'est juste un bête éléphant d'Asie à qui il faut juste injecter des caractéristiques génétiques qui sont vraiment purement spécifiques à tous les mammouths, à savoir. Bon en langue, ponctuel, contact facile. Et surtout cette capacité à avoir la classe, même avec une chemise à chemise courte. Un manche, quoi. Un mammouth, quoi. Donc, je savais que cette blague, c'était pas la plus forte de mon texte. Je l'avais dit au rédac chef, je lui ai dit putain, mon truc de mammouth à manche courte, j'ai juste de perdre tout le monde. Il m'a dit t'inquiète, t'auras perdu tout le monde 80 secondes avant. Donc, ça va. Du coup, je reviens sur l'enjeu des bébés OGM. Moi, c'est pour ça que j'ai pas encore d'enfant. Moi, j'attends que la science progresse et que je puisse le programmer génétiquement, quoi. Tu vois, je lui donnerai plein de gènes de ouf qui m'ont manqué à moi dans ma vie, genre. Le gène du bon choix de chronique, par exemple. Bonne émission, Guillermo.